Merci à tous d'être venus pour discuter ce soir d'une question qui est sensible, comme on a pu le voir lorsqu'est paru l'arrêté doctoral, qui indirectement, finalement, posait aussi la question de la professionnalisation du doctorat, puisque c'est de cela dont on va parler ce soir. Cette professionnalisation du doctorat qui est présentée comme une réponse aux difficultés d'insertion professionnelle des docteurs, et je dirais presque aussi comme la seule réponse. Il semble que du côté des pouvoirs publics, des autorités universitaires, pour faire face à des difficultés effectives d'insertion professionnelle des docteurs en France, plus qu'à la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives ou pour l'accès à la fonction publique, même si on a vu la création d'un concours d'agrégation externe spécial pour les docteurs dans 5 disciplines, lettres modernes, mathématiques, physique, je crois, enfin les 2 autres disciplines. Mais le problème central serait le défaut de professionnalisation des docteurs, comme le défaut de professionnalisation plus largement de tous les étudiants, quel que soit leur niveau de sortie, en tout cas tous ceux qui sont en particulier dans les filières générales, et encore plus ceux qui sont inscrits en lettres et sciences humaines, bien entendu. Alors, ce défaut de professionnalisation, bien sûr, il concerne les étudiants. Puis, indirectement, il faut interroger aussi sur les attendus de ce terme de professionnalisation. C'est un terme récent qui est apparu en 1945 par emprunt à l'anglais, et on l'a vu se diffuser dans le monde universitaire à partir des années 90. Donc, si les étudiants ont un défaut de professionnalisation, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, ils ont affaire à des non-professionnels, puisque c'est ainsi qu'on est aussi qualifié dans toute une série de documents, puisqu'il y a les enseignants-chercheurs et les professionnels, par exemple, dans des jurys comme le jury de VAE, sous-entendu que nous exercerions l'enseignement de la recherche sur un mode, finalement, peut-être amateur. En tout cas, cette question de la professionnalisation doit être discutée, notamment en tant que réponse à la question de l'insertion professionnelle. Et pour ce faire, on aura 3 interventions. D'abord, Catherine Vilcas, qui est maître de conférence à l'Université de Limoges et donc chercheuse au GRESCO, maîtresse de conférence, pardon. Bon. Interviendra sur, finalement, la genèse d'un processus de professionnalisation au travers d'une association qui a mené tout un travail sur l'insertion des docteurs, notamment dans les matières scientifiques, même si ça va un peu plus loin. Ensuite, Adrien Cloué interviendra sur la création d'un doctorat professionnel. Alors, il y eut l'expérience de Dauphine, il y eut la tentative de Sciences Po Paris, et qui s'est soldée par un échec parce qu'un certain nombre de mauvais esprits, peut-être inscrits dans un cursus classique, ont fait valoir un petit peu leur indignation et ont demandé des comptes. Je terminerai par l'intervention sur la VAE doctorale, doctorat en VAE. Et vous verrez qu'il s'agit là d'un doctorat classique, mais obtenu par une voie dérogatoire, et ça n'est pas sans effet sur l'économie générale du doctorat. Voilà, donc on fera une discussion intervention après intervention, quitte à revenir de façon globale ensuite sur cette question, en fonction aussi de vos intérêts, de vos trajectoires et de vos questions complémentaires. Mais je cède tout de suite la parole à Catherine Vilcas. Voilà, merci.